96.2. La FM. La FM en couleur. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Chantal avec vous jusqu'à 20h. C'est votre émission Groove Tropical. Groove Tropical, bien, c'est du zouk, hein, du zouk d'hier et d'aujourd'hui, mais c'est aussi du compas direct, du compas Guyane, enfin, tous les sortes de compas sur le 96.2. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée en ma compagnie. La game me pensait, t'aimais c'est insensé, la game me pensait. Fest. Avec le genre le plus connu, le Zouk Love. Oupe menti, menti, ou me leche, ou ka de pale ou sa. Oupe pa fe moule. C'est dit fait qu'à briller tête ou qu'à tourner fort, quoi t'as là ou c'est un César. C'est dit au carré. Toujours des fois, c'est ça ou mais. Toujours plus fort, c'est ça ou mais. C'est pas la peine, c'est refait d'ailleurs ou chaque elle. En tellement content, c'est moi t'es gâte. Encore c'est votre émission Groupe Tropical, c'était Jocelyn Desroard en live, toujours plus fort, spéciale dédicace à Roland et Michel à qui je pense très fort, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne année pour cette année 2025. Lâchez mon 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Qui n'a encore fè wapye ou Karese ou jiton bè tou plou ki nan kor Mon vi mè vante pos di pa nan kam nan soudra Mon vi fè lan linye chéri non pa ka soudra Chéri mon vi fè ou ne pale Fè pou klon mon fè ou ne raye Douce pou douce bébé Douce pou douce bébé Douce pou douce bébé Douce pou douce bébé Douce pou douce bébé Douce pou douce Qui gon bon pilote Pas quitte me chercher font prêt un pilote Passer des bois des yens bral faire tourner minote Bral sous coup sous quatre jours ton sang sous picote Bral bon bachat je t'envoie des balais Ou un petit papi plus t'en prie des balais Pour l'aime serré on en bras pour ma blette c'est balé Ou pour envoyer de l'eau pour sentir me les noyer Douce pour douce bébé Douce pour douce bébé Douce pour douce bébé Douce pour douce bébé Douce pour douce bébé Douce pour douce bébé Apa mula? front lane, take a step back. Stay in your lane, watch your pro at this game. Fly, putting y'all suckers to shame. Been a long time coming, but the wait is over. Now naughty, take over. NYC, Miami, the wait is over. Now five is here, the game is over. Canada, Martinique, the wait is over. Now five is here, the game is over. Boston, Paris, Haiti. FM en couleur. En couleur. Nous aimer en l'eau, nous aimer en l'eau. En souvenir dans votre émission Groupe Tropical, l'album a une dizaine d'années, bien oui déjà, mais toujours autant de succès. En tout cas, c'était pas nul, vous l'aviez bien reconnu, bien sûr. 96.2, c'est la bonne fréquence, chaque jeudi entre 18h et 20h, avec le maximum de soleil. Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée en ma compagnie. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. J'ai invité au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. J'ai invité au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Tazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez, pine la cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. Je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. Viens, j'ai un vide au minimum 6. Minons sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. J'ai un vito minimum 6, minons sur le déco minimum 3. crois. Un minimum ça. Dix sur dix c'est la notation. Allez Pina Cotazo. J'suis numéro uno sans prétention. Justice de Dieu, y'en a un. Tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit justice de Dieu, y'en a un. Topo bien mérité pour moi. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Réservé, et puis on vient.

viens faire un tour, ouais, je te sors de la C3. J'ai tous les accès, ce soir, je suis un pétard, ouais. Partager, je suis égoïste, non, je vais pas partager. J'ai fait le braquage de l'année, je t'ai pas forcé. T'es la plus belle, non, tu brilles comme un classe. J'arrive en 10 minutes. Il est 4h, je sais que t'aimes trop goûter. J'aime trop son flow, j'aime trop sa mini jupe. Je l'appelle pas son prénom juste pour m'embêter. T'as besoin de moi, j'arrive en 10 minutes. Il est 4h, je sais que t'aimes trop goûter. J'aime trop son flow, j'aime trop sa mini jupe. Je l'appelle pas son prénom juste pour m'embêter. Tout mélanger, tu sais que c'est possible. Caractériel, y'a qu'avec moi t'es docile. Faut que je reste gravé dans ton cœur comme un fossile. Ma belle, belle, j'aime ton côté nocif. Tu sais que je suis l'homme capable pour se caser. Fais pas monter l'excitation, je peux te caser. Je veux que tu cries mon nom quand on a assez. Je vais monter tes jambes en l'air, c'est sur ta baquet. Tâté, je peux te tâter. Donner, je peux te donner. Venez, je peux tout voir. T'as besoin de moi, j'arrive en 10 minutes. Il est 4h, je sais que t'aimes trop côté. J'aime trop son flow, j'aime trop sa mini jupe. Je l'appelle pas son prénom juste pour l'embêter. T'as besoin de moi, j'arrive en 10 minutes. Il est 4h, je sais que t'aimes trop côté. J'aime trop son flow, j'aime trop sa mini jupe. Je l'appelle pas son prénom juste pour l'embêter. Yeah, so bolo. Retenez bien ce nom, Laconie. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. En tout cas, après avoir écrit et composé pour Aya Nakamura, par exemple, Jedrine, Taïk ou Yann Leslie aussi, et qui, eh bien, le voilà, qui se lance dans, dans la musique, et enfin, pas dans la musique, hein, je raconte n'importe quoi. Les compositions solo. 96.2 dans votre émission Groove Tropical. C'était Monsieur Laconie, et le titre, c'était 10 minutes sur le 96.2 Zouk Souvenir avec Yannick Cabrion. Aimer sans tricher. 18h-20h, Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est fou comment j'attends ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. Souvenir me rappelle et je ne peux me passer de toi. sans tomber nos barrières. Ouh, avant que je t'aime entre terre, peut-on s'aimer ou sans tricher? Toi et moi, baby, sans tricher, juste s'aimer, sans tricher, une brise et ses armes. Chacun portait sa croix, et c'est comme ça. Mais voilà, on a appris de nos histoires. Ça nous donne envie d'y croire, oui, de croire à notre histoire. Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Thank you.

Alors, Conscience 96.2, votre émission Groove Tropical, c'était Oswald avec ce titre Toxique. 96.2, la bonne fréquence pour passer un très très bon moment au soleil de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer comme ça justement avec une belle destination puisqu'on va aller au carnaval en Guadeloupe avec Monsieur Luc Léandri. C'est la belle époque. L'ambiance. 18h, 20h, Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. La FM en couleur. Encore et toujours. soleil la dit faut lever le nouveau jour. La lune dit lui souffre un plaisir toujours. Quand qu'il y a fin chanté, l'hymien l'hymé, mon noyau. Ou quand j'ai chanté, c'est la Bible là. Tout le monde a fou, mais j'ai bougé. T'as marqué l'amour avec la l'amitié. Oh oh ah ah. Fuck'em, fuck'em, fuck'em. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va t'accompagner? C'est tout le monde qui se fait. Je suis à police. On a pris collègue de Brahim. La nuit c'est couru, couru dans le cachet. Moune sous la terre, ouais, tout fou, c'est là. Tu kebe, mon j'ai qu'à fourrer, j'ai gardé. Des boulou, oui, j'ai pas qu'à pas gardé. Moun sou la terre et tout fouk c'est là. Le bien bégade la cap pour les égarder. Le boulou bougé. Le boulou bougé. Le boulou bougé. Le boulou bougé. Le boulou bougé. Le boulou bougé. Maria gade. Maria gade gade. Sa gade ou ligé. Gaya. Gaya. Deje tout moun en lé à place. C'est tout moun qui s'y va. Je suis la police, c'est un père. C'est tout le monde qui s'y prend. C'est pour ça la commencer. Elle tient bébé. Yeah.

j'étais la seule au monde qui m'a vraiment aimé, qui a su tout comprendre avant même que j'y pense, y compris mes silences et quelques illusions qui se sont envolées. Un frisson dans un rêve si je pars avant toi, un sourire sur tes lèvres. C'est à 96.2 que c'est bon ce troubadour. C'était Richie du groupe Zinglin. Zinglin qui sera sur la capitale pour un superbe concert à l'Espace Chevreuil. Ce sera le 1er février prochain. Alors n'hésitez pas, enfin pas ici. Hein. On n'a pas l'Espace Chevreuil ici. L'instant présent n'a pas d'horaire. Allez, 96.2, la musique continue avec encore du compas, mais du compas Louis-Yad. Ça, je suis sûr que vous connaissez bien. Ça a fait le tour de la Terre. h 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. club, baby. You already know. Get your waistline ready. You still the one in the competition. Yeah, yeah. I don't need to compare. I swear, I swear. It's all about you. Ça vient d'en crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Et le beat solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. Je ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me now. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte des plugs, disons alléluia. Da da da. Yo Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da da da. Baby, j'ai le tal, vini. Da da da. Vini, vini, pas to me. Da da da. Ride with all I'm walking in. Da da da. J'ai une sousa. Campé dans da da. Family, family. Da da da. Full BBL, baby. Da da da. Family, family. Da da da. J'ai une sousa. Ça plus les condamnés. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent des roses, il n'y a trop tard. Ce mané m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judah. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, tu te mets même tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je le temps, vini. Vini, vini, pas to me. Rêve en Lamborghini. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Family, family. Full BBL, baby. Family, family. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Vini pas timide. Rêve en Lamborghini. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Family, family. Full BBL, baby. Family, family. J'ai une sousa. Campé dans la dame. prend plaisir à faire mon parler les dangers. Si un jour on rencontre ma chance, même si la vie a changé, mon parler les dangers. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur. Dans votre émission Groupe Tropical, c'était Stony en couple avec... Oh non, il n'est pas en couple, hein. Ils sont en duo simplement pour ce single Souvenir avec Calypso sur le 96.2. On va continuer avec du très très bon son, du très bon souvenir. Tiens, justement, Monsieur Michael Ambiance. Jusqu'à 20h, c'est votre émission Groupe Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Beyoncé, Beyoncé, c'est trop de Beyoncé, Beyoncé, tout même ses mauvais côtés. Si seulement elle pouvait m'écouter. J'ai tous ces boys sur mes côtes. Sentir de la friendzone, lui montrer que je suis l'homme qu'il lui faut. C'est pas des tonnes, j'ai toujours été. Pourtant, je peux tout donner, mon âme résonne. Son aim dans mon fun, c'est ma reine, tu connais. C'est ma resta, resta. Son regard sur moi vaut des millions. C'est ma resta, resta, resta. Quand je l'aime, je perds la raison. Elle a le charisme à Beyoncé, à Beyoncé, à Beyoncé, à Beyoncé. Elle s'est pas ma Beyoncé, ma Beyoncé, ma Beyoncé, ma Beyoncé. Elle a le charisme à Beyoncé, à Beyoncé, à Beyoncé, à Beyoncé. Elle s'est pas ma Beyoncé, ma Beyoncé, ma Beyoncé, ma Beyoncé. En couleur. Construit Imaginez-nous tous brisé. On m'a bouillé, oui, nous connaissions dans ce cachalipé. Mais nous avons la voix ratée. extrait du tout dernier album de Leslie sur le 96.2 de votre émission Groove Tropical. Et bien, qui se termine, il est presque 20h sur la FM tout en couleur. Je vous laisse, je vous retrouve jeudi prochain, bien entendu, même heure, même endroit, même soleil, 18h-20h. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Restez bien au chaud parce que je crois qu'il y a des très très très mauvaises températures qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité 96.2 et à la semaine prochaine. Bye bye. C'est vrai, l'amour pas qu'à vivre tout seul. C'est vrai, on est toujours bizarre là pour nous faire fâcher, mais ensemble. Pas moins des moins de vivre tout seul, on peut quitter. En bise un con, bise moi, on ne peut pas vivre sans l'amour. Désir à l'amour, toujours aimer. La FM en couleur. 7 horas em Portugal continental e na Madeira, 6 nos